Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Ne cherche pas à te venger, le Seigneur va te venger. Oui, c'est dur ce que tu viens de connaître, mais laisse la vengeance à Dieu lui-même. Il va confondre tes ennemis. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Matthieu chapitre 5, 7 à 12. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Nous allons lire notre passage du jour dans le cadre de notre émission de prière OSB. Matthieu chapitre 5, 7 à 12. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Nous poursuivons notre étude des béatitudes. Hier, nous avons vu les quatre premières béatitudes. Aujourd'hui, nous allons poursuivre encore l'étude des quatre autres. Première béatitude ici, c'est le miséricordieux. Jésus dit au verset 7, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Le miséricordieux, c'est quelqu'un qui veut aider ceux qui sont dans le besoin, ceux qui vivent dans la misère. En tant que chrétiens, nous devons être pleins de miséricorde. Je vais parler à un monsieur, regarde bien. Combien de voitures tu as? Combien de maisons tu as? Tu manges jusqu'à ce que tu jettes la nourriture. Alors qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui ne peut même pas manger la nourriture, son repas d'une seule journée. Mais tu ne peux pas avoir compassion de ces gens-là pour partager avec eux. Regarde, il y a des orphelins, des veuves qui sont là. Est-ce que tu ne peux pas penser à eux? C'est ça un homme miséricordieux. Vous voyez l'exemple de Jésus. Quand il voyait la foule, la Bible nous dit qu'il était ému de compassion parce qu'il a vu des gens qui étaient affamés pendant 3 jours, ils n'avaient rien à manger. C'est pourquoi il pouvait dire aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Jésus, il a apporté des solutions aux problèmes de l'humanité sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique et physiologique. Il était ému de compassion. Mais le miséricordieux, c'est aussi quelqu'un qui veut aider ceux qui vivent dans les péchés. Nous devons avoir pitié des gens qui vivent dans l'ivrognerie, des gens qui vivent dans toutes sortes de péchés sexuels, des gens qui vivent dans le mensonge, des gens qui sont des gangsters, qui braquent les autres. Ayons compassion d'eux. C'est parce qu'ils sont animés par un esprit mauvais. Et celui qui est miséricordieux, c'est quelqu'un qui veut chercher à les gagner au Seigneur. Il est animé par cet esprit de compassion. On dit, heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Si tu as l'attitude d'aider aussi ceux qui sont dans les besoins, le Seigneur aussi va penser à toi et va te bénir. Deuxième béatitude, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La pureté du cœur, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui dans l'Église. Aujourd'hui, les gens me parlaient seulement de la bénédiction, de l'élévation, de l'abondance. Oui, c'est bien, mais il faut aussi qu'on insiste sur la pureté. Pourquoi Jésus mentionne le cœur? Parce que c'est du dedans du cœur que sortent les mauvaises choses, les mauvaises pensées, les adultères, le meurtre, l'envie. Toutes ces choses-là, ça commence dans le cœur. Alors, la pureté du cœur est nécessaire. C'est ce qu'on appelle aussi la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Oui, nous devons rechercher cette pureté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dont le cœur est mauvais. C'est pourquoi ils n'ont même pas pitié de tuer l'homme. Ils n'ont même pas pitié d'escroquer, de voler les biens d'autrui, de détourner les biens d'autrui, de détourner les maris d'autrui, les femmes d'autrui. Le Seigneur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il y a beaucoup de gens qui iront sincèrement en enfer. Comment est-ce que tu peux dire tu es chrétien? Tu vas à la messe chaque dimanche, tu vas au culte chaque dimanche, mais ta vie ne change pas. Tu ne fais que comploter pour faire partie des autres. Je vais parler à quelqu'un. Le Seigneur t'a élevé, tu es patron d'entreprise. Mais regarde comment tes employés sont en train de souffrir. Ton cœur est mauvais. Alors que toi-même, tu gagnes beaucoup d'argent. Tu n'es même pas pitié de l'homme. Ton cœur est noir. Tu aimes faire souffrir l'homme. Le Seigneur n'est pas content de toi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Troisième béatitude. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront t'appeler fils de Dieu. Procurer la paix ici a deux dimensions. La première dimension, c'est l'annonce de l'évangile. Parce que Jésus, c'est celui que la Bible appelle le prince de la paix. Un homme ne peut pas expérimenter la paix véritable s'il ne connaît pas Jésus. Alors, procurer la paix aux hommes ou à l'humanité revient à prêcher l'évangile afin que les hommes soient réconciliés d'abord avec Dieu et qu'ils aient la paix. Il y a beaucoup de gens que vous voyez autour de nous. Ils ont des belles villas, mais ils sont toujours troublés. Il y a quelqu'un, je parle à quelqu'un, et regarde-moi bien. Depuis qu'on t'a dit qu'il y a des gens qui complotent contre toi parce qu'ils veulent te faire partie de ton poste, tu t'en vas voir les marabouts, tu t'en vas pour chercher sacrifice par-ci, par-là. Mon ami, Jésus est le prince de la paix. Viens à Jésus, il va te donner la vraie paix. J'ai pitié de toi parce que tu ne peux pas dormir la nuit. Alors que la journée, les gens t'envient. Alors qu'au-dedans de toi, tu n'as pas la paix. Et moi, je dis, je vais te procurer la paix, je t'annonce Jésus. Et il faut que tous les chrétiens, les serviteurs de Dieu, nous soyons de ceux-là qui annonçons la paix, pour que les hommes aient la paix, pour qu'ils soient en contact avec le prince de la paix. La deuxième dimension aussi, c'est la dimension de la réconciliation. Annoncer la paix, c'est aussi proclamer le ministère de la réconciliation, aider les gens à se réconcilier entre eux. De ce point de vue, c'est la mission de l'Église, la mission des chrétiens. Lorsque, par exemple, tu entends que ça ne va pas entre monsieur et madame, toi, tu ne vas pas encore allumer. Tu vas chercher à réconcilier. Il ne faut pas que les chrétiens soient là-bas du divorce. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a même parfois des pasteurs qui provoquent des divorces. Comment est-ce que tu peux chercher la femme d'autrui pour aggraver des problèmes? Non, ça, tu ne procures pas la paix. Tu allumes le feu. Nous devons procurer la paix. Lorsque ça ne va pas dans une famille, entre les pères et ses enfants, entre les enfants de même père, nous devons aller les réconcilier. C'est ça le ministère. Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. Lorsque les hommes politiques n'arrivent pas à s'entendre, il revient à l'Église, représentée par ses serviteurs, d'aller annoncer la paix. Mais il faut que nous soyons crédibles. Est-ce que nous sommes crédibles? Mais si nous sommes seulement de ceux-là qui allons chercher la argent vers les hommes politiques, ils ne vont pas nous respecter. Il faut que notre témoignage puisse parler pour qu'ils puissent faire appel à nous, pour que nous puissions aider dans la réconciliation. Ainsi, nous serons de ceux-là qui vont procurer la paix. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Quatrième béatitude, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Jésus veut montrer que dans la vie chrétienne, il y a aussi la persécution. Il y a des épreuves. Ceux qui sont persécutés pour la justice. On ne dit pas ceux qui sont persécutés pour eux-mêmes. Mon ami, si tu es sorti avec femme d'autrui et qu'on t'arrête, on te met en prison, il ne faut pas dire que c'est à cause de la justice. Là, c'est à cause de toi-même. Si tu es persécuté parce que tu as volé l'argent là où tu travailles, tu as détourné, là, ce n'est pas à cause de la justice, c'est à cause de toi-même. Être persécuté pour la justice, c'est être persécuté pour la bonne cause. Ça veut dire parce que tu es juste. Tu n'as pas voulu te compromettre. Tu n'as pas voulu sortir avec ton patron. On t'a harcelé. Et puis, ils montent un faux dossier pour te chasser de l'emploi. Ça, c'est être persécuté pour la justice. Vous voyez? Nous voyons dans la Bible des gens qui ont été persécutés par la justice. Il y a des prophètes, il y a des hommes comme Joseph. Nous savons que Joseph était dans la cour de Potiphar. Et cette femme-là voulait sortir avec Joseph. Joseph a refusé. Et cette femme-là a retourné l'histoire comme si c'est Joseph qui l'avait agressée. Et comme elle était la femme d'une autorité, on l'a jeté en prison. On a jeté Joseph en prison. Mais il était persécuté pour la justice. Mais vous savez la finalité. Dieu l'a rendu justice. Je vais dire à quelqu'un, même si on t'a emprisonné quelque part, injustement, si réellement c'est pour la bonne cause, le Seigneur va te tirer de là. Le Seigneur va te relever comme il a relevé Joseph. Prends courage. Confie-toi à Christ. Il est capable de te relever. On dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Il ajoute au verset 11, heureux serez-vous lorsque on vous outragera, on vous persécutera, on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Paul et Silas ont été jetés en prison en plein ministère, mais le Seigneur les a délivrés. Au verset 12, il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Glorifions le Seigneur, le roi des rois, parce qu'il est avec nous malgré les difficultés. Chantons ces cantiques. J'enveloppe de ton amour Gloire au Seigneur. Élevons notre Père. Élevons Jésus-Christ. Élevons le Saint-Esprit. Nous te bénissons, toi le Dieu trois fois saint, le Dieu qui nous sanctifie. Oh, sois béni, notre Seigneur, notre Dieu. Toi le Dieu qui a accepté d'habiter en nous et nous te verrons tel que tu es. Nous te louons, ô notre Seigneur. Sois béni, le Prince de paix, et sois élevé, toi qui nous aides également à communiquer la paix aux autres. Nous glorifions ton nom et nous t'élevons, notre Seigneur, notre Dieu. Toi, le Dieu qui nous récompense. Oui, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Oh, merci, Seigneur, de nous aider à nous attacher entièrement à toi, sachant que c'est toi qui nous rémunères. Oui, Seigneur, nous voulons nous attacher à toi malgré la calomnie et toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer. Nous voulons, ô Seigneur, nous attacher à toi et t'obéir toi seul. Glorifie-toi dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à l'émission OSB, Opération sous la brèche. Notre passage, c'est Matthieu 5, versets 7 à 12. Nous sommes en train d'étudier les béatitudes. Nous venons de voir heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour que Dieu nous utilise. Si tu as l'occasion d'aider les gens qui souffrent, tu as l'occasion de visiter les malades, de visiter les orphelins, d'aider les gens qui sont démunis, fais-le et prions pour que le Seigneur nous remplisse de la miséricorde et que nous puissions exercer cette miséricorde envers quelqu'un qui souffre et même délivrer, ramener vers lui les gens qui vivent dans le péché. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, tu as été si bon pour nous. Dans ta grande bonté, tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres. Lorsque nous étions encore pécheurs, tu as manifesté ton amour en envoyant ton Fils Jésus-Christ mourir pour nous. Lorsque nous étions dans la détresse, nous avons invoqué ton nom et tu nous as écoutés. Tu nous as délivrés de toutes nos frayeurs. Ce matin, ô Père éternel, nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous demandons, Père, que tu nous donnes de manifester véritablement la miséricorde, la bonté envers ceux qui souffrent, envers ceux qui sont dans la détresse. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous demandons au Père éternel que tu nous équipes, que tu nous capacites afin que nous puissions exercer cette miséricorde, afin que ce que nous avons, nous puissions partager avec les autres, afin que nous puissions intercéder pour les autres, afin que nous puissions accompagner ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont dans la peur, ceux qui sont dans la détresse. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous demandons au Père éternel que tu nous donnes cette force-là afin que nous puissions proclamer la bonne nouvelle à ceux qui sont dans la misère spirituelle, ceux qui sont dans la détresse spirituelle, ceux qui sont perdus, qui ont emprunté une voie qui les mène à la perdition. Nous demandons, Père, dans le nom de Jésus, que cette force nous pousse chaque jour à proclamer ta bonne nouvelle et que l'esprit de miséricorde soit toujours en nous. Merci pour ce privilège que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir également, le Seigneur dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». Nous devons rechercher la sanctification. Prions pour nos églises aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le cœur pur. Ils sont remplis de rapines, des ronces dans leur cœur. Ils sont prêts à faire du mal. Mais toi-même, tu vas prier d'abord pour dire, Seigneur, enlève dans mon cœur tout ce qui est mauvais, tout ce qui est haine, tout ce qui est méchanceté. Aide-moi à marcher dans la pureté et dans la sanctification sans laquelle nul ne peut te voir. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci ce matin, notre Dieu, notre Père, notre Créateur, notre Libérateur, notre Sauveur, toi qui as fait de nous tes enfants. Merci Seigneur, ce matin, pour la force que tu nous donnes. Mais il y a tes enfants qui sont insatisfaits, qui n'arrivent pas à se comprendre les uns les autres. Ce matin, nous voulons prier, te les recommander. Ta parole dit dans Colossiens 3 à partir du verset 11, « Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Que tous ceux de tes enfants qui ont un cœur rempli de haine, de rancœur, de vengeance, Seigneur, des sentiments, ô notre Dieu, pour pouvoir se venger, nous prions ce matin. Que ton esprit agisse, afin que l'esprit de pardon, l'esprit de réconciliation, l'esprit d'amour habite nos églises, nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Il y a beaucoup de gens qui sont persécutés. Il y a des hommes de Dieu. Pensons à ceux qui sont persécutés, surtout dans les pays où le christianisme est banni ou n'est pas toléré. Il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des missionnaires qui, pour prêcher l'évangile, doivent se cacher. Pensons à eux. Pensons aux frères et sœurs qui travaillent dans des organisations nationales, internationales. Ils sont harcelés parce qu'on les pousse à se compromettre, à entrer dans des réseaux bizarres. Prions pour que Dieu le soutienne. Oui, parce que le Seigneur, il va lui-même les relever. au nom de Jésus. Il dit que votre récompense sera grande. Prions le Seigneur, que Dieu les récompense, que Dieu les préserve du malin et qu'il les protège au nom de Jésus. Dieu et tu es grand, tu es tout puissant, tu es vivant, tu es notre Seigneur et tu es notre Sauveur. Merci parce que nombreux sont ces missionnaires, sont ces serviteurs qui t'ont accepté et qui ont décidé d'être intègres, qui ont décidé d'être fidèles à ta parole, qui ont décidé de marcher dans la sanctification, qui ont décidé de marcher loin de la compromission. Oui, il y a aussi des frères et des sœurs qui travaillent dans les ONG, dans les organisations internationales. Père, nous voulons te les recommander parce que ta parole dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Certainement à cause de leur foi, nos frères et sœurs sont persécutés à cause de leur justice, à cause de leur foi, à cause de leurs engagements spirituels, à cause de leur sanctification de la sainteté. Toutes ces personnes qui sont persécutées, aide-les, fortifie-les, aide-les à regarder ta parole, à veiller sur ta parole, à ne point se détourner de ta parole. Nous prions, Père, que tu bénisses leur action, que tu bénisses leur engagement, que tu bénisses leur ministère, qu'on voit la différence dans leur activité. Accorde-les l'intelligence et la sagesse et qu'ils soient comme des Joseph dans cette société, qu'ils soient des missionnaires accomplis. Merci de te manifester par la puissance, ô Dieu, de ton esprit, que des miracles et des signes les accompagnent. Bénis quelqu'un aujourd'hui, manifeste-toi aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous rappelons notre rendez-vous séminaire à l'école du Seigneur pour ce samedi 9 juillet de 9h à 13h au Supper. Si tu n'as pas encore pris ton ticket, viens avec 5000 francs à la réception de la radio Fréquence Vie. Viens à ce séminaire et tu comprendras les points communs entre catholiques et évangéliques comme les points de divergence. Ce séminaire est important pour la foi chrétienne et pour comprendre comment nous pouvons vivre l'unité dans la diversité. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange.